إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Aujourd'hui, on commence le cours 9 dans l'explication des méfaits de la démocratie du livre du cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et c'est le livre qui s'appelle Al-Adillatu al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya. Et donc, on arrive au point numéro 12 dans les méfaits de la démocratie, c'est Inna l'intikhabat ta'atun li'a'da'illahi min al-yahoudi wal-nasara. Le fait de suivre le système de démocratie et d'élection, c'est une obéissance aux ennemis d'Allah parmi les juifs et les chrétiens. Le cheikh il dit, وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ نِظَامَ الْإِنْتِخَابَاتِ نِظَامٌ مُسَوْرَةٌ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ فَتَبَنِّيهِ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ طَاعَةٌ لَهُمْ وَقَدْ نَهَنَا اللَّهُ عَنْ طَاعَتِهِمْ وَأَمَرَنَا بِمُخَالَفَتِهِمْ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Donc le cheikh il dit que l'explication de ce point là c'est que en fait le système des élections, le système démocratique, c'est un système qui a été amené des kuffars, c'est-à-dire on l'a pris des kuffars parmi les juifs et les chrétiens, il a été ramené des juifs et des chrétiens qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'accepter ce système-là et d'appeler à ce système, c'est une obéissance pour les juifs et les chrétiens. Et Allah nous a interdit dans le Coran d'obéir au Coran, Allah nous a interdit dans le Coran d'obéir aux kuffars, aux juifs et aux chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire le contraire de ce qu'il nous demande de faire, ou bien de les contredire, de ne pas les obéir. Et il mentionne le verset 100 dans Surat Al-Imran, le verset 100, ça dit « Oh, vous qui avez cru, n'obéissez pas, ou bien si vous obéissez à une partie des gens du livre, ils vont vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. » Ils vont vous faire devenir des kafirines après que vous ayez eu la foi. Donc, on n'a pas le droit de les obéir là-dedans. Et il mentionne l'explication de ce verset-là par l'imam Ibn Kathir qui dit « يُحَذِّرُ تَعَالَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ طَاعَةِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ طَاعَتَهُمْ تُورِثُ الرَّدَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلِهَذَا قَالَ إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Le cheikh il mentionne donc cet tafsir d'Ibn Kathir qui dit que Allah avertit ses serviteurs croyants contre l'obéissance des munafiqins et des kuffars, qu'on n'a pas le droit d'obéir les kuffars et les munafiqins. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un autre verset dans le Coran où il dit « Oh vous les croyants, ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha al-nabiyu, oh toi le prophète, hein, Allah s'adresse au prophète, ya ayyuha al-nabiyu la tuti'il kafirina wal munafiqin. » Je pense que c'est le premier verset dans Surat Al-Ahzab. Il commence ce verset en disant « Ya ayyuha an-nabiyyu ittaqillah, oh toi le prophète, crains Allah, wa la tuti' al-kafirina wal-munafiqin. » Il n'obéit pas aux mécréants et aux hypocrites. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'obéir aux kuffars et aux munafiqin, et que de les obéir, ça nous amène à revenir à la mécréance si on les obéit. Et ça nous ramène à, ça nous amène à l'humiliation dans la dunya et dans l'akhirah. Et il mentionne le verset 149 dans sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vont vous faire revenir en arrière et vous allez revenir perdant. Et il y en a parmi les gens de Bid'a, des fois quand on leur dit des choses comme ça, par exemple qu'on n'a pas le droit d'imiter les kuffar et les munafiqin, et quand on leur dit par exemple que la démocratie c'est un système inventé par les juifs et les chrétiens et qu'on n'a pas le droit de le suivre, eux par exemple ils amènent des shubuhat pour essayer de dire mais c'est pas parce que quelque chose vient des kuffar que c'est pas bon, hein, ils disent toujours ça. Et le problème c'est qu'ils mélangent entre les choses qui viennent, qui sont de la dunya, des choses qui sont permises, qui sont moubah, et des choses de la religion qui font partie des fondements de la foi. Donc par exemple, ils vont dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a utilisé parfois des choses qui viennent des kuffars, et il a pris des choses qui viennent des kuffars parfois, comme par exemple, supposément dans la bataille de Al-Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé un fossé, hein, comme une stratégie de bataille. Il a fait creuser une fossée tout autour de Médine pour attendre les kuffars qui voulaient venir. Et ça c'était une technique que Salman al-Farisi lui avait expliqué. Il disait que chez nous quand on fait la guerre on creuse des fossés comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé que c'était une bonne chose, une bonne technique, et il l'avait utilisé. Et c'est pour dire, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise des techniques de guerre, qu'il prend des Perses et des idolâtres, des mouchriquines. Et en essayant de faire des parallèles entre ça et l'exemple de la démocratie, pour dire si on peut utiliser des trucs de guerre, des kuffars, pourquoi on ne peut pas utiliser la démocratie, c'est juste une méthode différente de gérer les questions d'État, puis des trucs de ce genre, puis de gérer là, les choses qui ont rapport avec ça. Oui, c'est ça. Mais la réalité, comment on peut faire pour comprendre cette shubha et comment on peut réfuter cette shubha, c'est que les questions de guerre, puis les stratégies de guerre, puis les trucs de la dunya, comme par exemple les choses techniques, ça c'est des choses qui n'ont pas rapport avec les fondements de la religion ni avec la croyance. C'est des choses de la dunya, hein. Et ça c'est permis de prendre tout ce qui est bon là-dedans dans les affaires des kuffars, tant que c'est pas quelque chose qui est relié avec les fondements de la foi et avec la pratique religieuse. Toutefois, quand il y a des choses qui sont clairement expliquées dans notre religion, qui font partie des choses qui ont été clarifiées par le Coran et la Sunna, de laisser tomber ça, puis de prendre ce qui vient des kuffars pour suivre ce qu'ils ont inventé, hein, et bien là, ça représente comme si on est en train d'abandonner des principes de notre religion pour suivre qu'est-ce qui vient des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, la question des votes et de la démocratie, la souveraineté de l'homme, et la souveraineté la gouvernance de l'homme par l'homme, ou des trucs de ce genre, ça c'est quelque chose qui vient en contradiction directe avec les fondements de la foi dans l'islam, hein, parce qu'on a expliqué déjà que la souveraineté de l'homme par l'homme c'est quelque chose qui est en opposition avec l'islam, parce que dans l'islam c'est pas l'homme qui est souverain sur l'homme, mais c'est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala qui désigne ce qui est légal et ce qui est illégal, ce qui est permis, ce qui est interdit, et qui a révélé des livres et des messagers, et c'est pas par élection qu'on décide ou qu'on choisit notre gouverneur, c'est plutôt quelque chose qui s'est désigné par la bay'a, hein, l'allégeance, et on a expliqué qui donne l'allégeance dans l'islam, c'est pas n'importe qui, c'est Ahlul Hill wal Aqd, et ça on va l'expliquer de toute façon plus en détail, et en même temps aussi, c'est que on n'a pas le droit de retirer quelqu'un du pouvoir une fois qu'il est au pouvoir, il faut qu'il reste au pouvoir, même s'il est juste ou même s'il fait du mal, mais on a le droit de le conseiller, on a le droit de lui donner le nasiha, on a le droit de lui donner le bon conseil, toutefois en privé, hein, pas n'importe comment, pour faire la fitna et des trucs de ce genre. Donc tout ça c'est des choses qui sont clarifiées dans le Coran et dans la Sunna, qui font partie de nos principes. Et on n'a pas le droit de remettre ça en question, ou rejeter ça pour suivre l'exemple des kuffars. Donc, malheureusement, ce qu'on remarque de la part de ces gens de Hizbiya, c'est qu'ils essaient de déformer la réalité de la charia pour obéir aux kuffars et aux munafiqis. C'est comme tous les autres systèmes aussi qui viennent des kuffars, comme le communisme. J'écoutais une cassette justement de Cheikh Rabir où il réfute Sayyid Qutb. Il y avait un élève qui lisait le livre du Cheikh, puis le Cheikh il faisait des commentaires. Le livre qui s'appelle Al-Awasim min ma'inda Sayyid Qutb min al-Qawasim. C'est une réfutation de Sayyid Qutb sur certaines questions, et il parlait par exemple des questions comme de communisme. Et il parlait de liberté religieuse, parce que c'est trop tôt qu'il défendait la liberté de croyance, la liberté religieuse et tout ça. Et donc, le Cheikh, il disait non, ça c'est absurde, ça fait pas partie de l'islam. Et donc, il parlait par exemple du fait que ces gens-là, ils disent non, nous, on veut s'allier avec les chrétiens, on veut s'allier avec les juifs, on veut faire des dialogues avec eux, on veut se rapprocher avec eux contre les communistes, contre les laïcs, contre les athées, hein. Et le Cheikh, il disait ça, c'est stupide en fait, c'est absurde de dire on va s'unir avec les juifs et les chrétiens contre les communistes, parce que qui a inventé le communisme? Il dit c'est les juifs et les chrétiens qui ont inventé le communisme. Et donc, tu vas t'allier avec les juifs et les chrétiens, alors que c'est eux qui ont créé le communisme, et tu veux t'allier avec eux contre le communisme, ça fait pas de sens, tu vois. Donc c'était pour dire comment parfois ces koufars là, ils inventent des systèmes, et qui sont inspirés peut-être des fois même parfois de leur même religion là, et il y en a qui disent on veut se rallier avec les juifs et les chrétiens contre ces gens-là. Et ça représente en même temps une obéissance pour les koufars. Ensuite, le point numéro 13, le Cheikh il mentionne, il dit « Inna nizam al-intikhabat yu'attil janib al-amr bil-ma'ruf wa nahi al-munkar min nahiyat al-afrad » Le Cheikh il dit comme point numéro 13, c'est que le système démocratique, il vient détruire, ou bien il vient disons paralyser ou annuler l'aspect de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal sur le plan des individus. Donc ça veut dire que les individus vont plus interdire le mal et ordonner le bien entre eux. Et il explique ça. لذلك أن الناخب يعتمد فيما يزعم على من انتخبه في هذا الأمر كما قال بعضهم إذن الوكالة طريق لتحقيق المقاصد الشرعية ولإسقاط التكاليف الشرعية. ومن التكاليف الشرعية التي يسقطها قائل هذه المقولة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأفراد. ويأتي إن شاء الله الرد على هذه المقولة في الباب الثالث. Donc le Cheikh il dit que d'après le système démocratique, la personne qui fait un vote, qui vote pour quelqu'un, eh ben c'est comme si elle remet à la personne pour qui elle a voté, cette responsabilité-là, d'ordonner le bien d'interdire le mal à sa place. Donc c'est comme si il disait que comme certains démocrates ou certains chizbiyins ils disent que al-wakala, c'est quoi al-wakala? C'est comme la gérance, comme si, en fait je traduis ça par la gérance, mais en fait c'est comme si par exemple moi j'ai un magasin, j'ai une compagnie, puis je te donne la charge de t'occuper toi de mon commerce ou de ma compagnie pendant mon absence, je te donne une wakala, hein. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est toi qui vas être le responsable, c'est comme si tu es le gérant de mon magasin quand je suis pas là. Donc tu as toutes les responsabilités et les devoirs du propriétaire, sauf que c'est pas toi le propriétaire. D'accord? Donc c'est comme si c'est la gérance, c'est comme si tu es un gérant. Ok? Et al-wakala, c'est ça en fait. C'est il dit que c'est une méthode pour arriver à remplir les objectifs de la charia, hein, et pour faire tomber les responsabilités légales sur les individus. Ok, c'est-à-dire les individus vont plus être responsables, ceux à qui appartiennent les choses directement, c'est plus eux qui vont être responsables, mais c'est les gérants qui vont être responsables à leur place. Et donc c'est comme si toi tu vas voter pour quelqu'un, c'est comme si il devient ton gérant. Et donc il va s'occuper du système, puis il va faire qu'est-ce que tu dois faire toi, lui il va le faire à ta place. Et donc parmi ces aspects-là, il y a le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal par rapport aux individus, mais il élabore pas plus que ça là-dedans, parce qu'il dit ça, on va le réfuter dans le chapitre 3. Dans le chapitre suivant, il va parler de ça en détail. Donc il n'en a pas parlé plus que ça ici. Après, il mentionne le point 14, hein, « Inna al-akhdha bin nizam al-intikhabi ma'nahu qada'un ala al-ghaya bil wasila » En fait, au sujet de « al-amr bil ma'ruf al-nahi al-munkar », je pense qu'on peut tous voir, même si le cheikh il en parle plus loin, il va réfuter ça plus loin, mais on peut tous constater dans la société démocratique que, en réalité, ça détruit ce principe de l'islam, de l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, au nom de la liberté individuelle. Ça c'est quelque chose qu'on peut tous remarquer, parce que tout le monde va dire non, on a le droit de faire ce qu'on veut, parce que du moment que quelqu'un a soi-disant une liberté de croyance, eh bien il y a une liberté d'agir aussi. Parce que si tu as le droit de croire qu'est-ce que tu veux, si tu as le droit de croire que l'alcool est halal, tu as le droit de croire que le zina c'est halal, hein. Et donc si tu crois que c'est halal, même si c'est interdit dans le Coran, donc ça veut dire que tu as le droit de le faire, hein. Et si tu crois que tu as le droit de le faire, mais là après ça amène à le fait que quelqu'un ne peut pas t'interdire de le faire parce que tu as cette liberté-là, hein. Donc après c'est ça le danger de dire que quelqu'un est libre dans sa croyance. Si quelqu'un est vraiment musulman, il n'est pas libre. Il doit se soumettre aux règles de la religion. Sinon, s'il remet en question les lois et les principes, donc ça remet en question sa foi aussi. Le chef, il dit ensuite, le point 14, إِنَّ الْأَخْذَ بِالنِّظَامِ الْإِنْتِخَابِ مَعْنَاهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَايَ بِالْوَسِيلَةِ. Le fait d'utiliser le système démocratique ou électoral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu détruis ton objectif par le moyen que tu utilises pour y arriver. Dans le sens que le شيء de ذلك ان غايه من يدخل في مثل هذه الانتخابات اقامه حاكميه الله زعم والوسيله لذلك الاعتراف بحاكميه الشعب من دون الله اي ان السلطان للشعب. Donc c'est une contradiction, parce que toi tu la personne qui rentre dans les élections et dans le système démocratique, il dit moi je rentre dans la démocratie pour arriver à établir la compréhension que c'est Dieu le dirigeant, et c'est Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu le maître de tout, et c'est lui qui fait les lois. Mais pour arriver à ça, je dois reconnaître que l'autorité vient du peuple, et vient de des hommes, ou que les lois viennent des hommes. Donc c'est comme si tu dis, je vais arriver à établir la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, mais pour y arriver, je dois reconnaître que c'est l'homme qui est le souverain, et c'est lui qui a le pouvoir de légiférer. Donc c'est comme si tu détruis ton objectif par le moyen que tu utilises pour arriver à cet objectif-là. Hein? Et c'est ça la contradiction de ces soi-disant islamistes. Tu veux établir l'islam, puis pour y arriver, il faut que tu rejettes l'islam pour le faire. Donc c'est une contradiction. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais établir l'unicité d'Allah, mais pour arriver à l'établir, il veut utiliser un moyen qui implique qu'il doit faire le shirk pour le faire. C'est contradictoire. Ouais, il y a des gens comme ça qui disent ça, mais ça c'est pas correct. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent, comme par exemple, comme le frère Mouktar, il dit, il y a des gens qui pensent que comme si pour leur interdire à des gens de faire le shirk, il faut le faire avec eux, puis après ça tu leur dis, c'est pas correct de le faire. Hein? C'est vrai. Lui qui dit non, mais si tu vas aller leur dire que faire tawaf autour d'une tombe, c'est cher qu'ils vont pas accepter. Donc tu vas le faire avec eux, après tu leur dis que c'est pas correct. Ça c'est absurde. Parce que tu es en train de détruire ta da'wa toi-même. Hein? Il dit mais comment? Non, il a pas fait. Non, il donne un exemple. Tu vois? C'est comme quelqu'un, il veut appeler les gens qui sont dans un bar à arrêter de boire de l'alcool. Donc il rentre dans le bar. Ça va boire avec eux, puis il dit, vous devez arrêter de boire parce que c'est pas bon. Il y a des gens comme ça, malheureusement, à Moustahane. Donc, après, il mentionne un autre point, c'est le point numéro 15. Al-i'timad al-intikhabat al-aghlabiyyati al-ghawra'iyya al-hamajiyya, pardon. Donc, il dit que le système démocratique qui se base sur la majorité. Et la majorité, on sait, elle est perdue. En grande majorité, elle n'est pas sur la vérité, ou bien elle n'est pas sur la bonne voie, yani. Hein. Donc, le cheikh il dit, وَهَذَا الْأَمْرُ مُخَالِفٌ لِمَنْهَجِ الْإِسْلَامِ قال تعالى, إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وقال ابن كثير يخبر الله يخبر سبحانه عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل وقال الشيخ السعدي ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير الحق بل الواقع بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا وأجرا بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه لشيخ الذي ك ce principe est en contradiction avec l'islam et la voie de l'islam, parce qu'on ne se base pas sur la majorité dans l'islam pour savoir qui est sur la vérité ou non. Hein. Et il mentionne des versets qui prouvent ça. Il mentionne le verset 116 dans Surat al-An'am. Si tu obéis à la majorité des hommes, à la plupart des hommes sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Et ça c'est la vérité. Hein. Et il mentionne un autre verset qui dit, en fait, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui explique ce verset-là. Et pour l'expliquer, il mentionne d'autres versets aussi. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'état de la plupart des hommes sur la terre, parmi les fils d'Adam, que c'est l'égarement leur état, leur situation, c'est qu'ils sont dans l'égarement. Puis il mentionne le verset 71 dans Sourate As-Saffat, et ça dit, et la plupart d'entre eux, la plupart des premiers parmi les hommes, les premiers peuples, se sont égarés avant eux. Et après, il mentionne le verset 103 dans Sourate Yusuf, qui dit, et la plupart des gens, même si tu le désires ardemment, ils ne vont pas être croyants. Hein? La plupart des hommes, ils ne vont pas être croyants, même si toi tu le désires, même si tu voudrais qu'ils croient. Et il dit qu'ils sont dans leur égarement, ils n'ont aucune certitude de ce qu'ils font, ils ne font que suivre des conjectures mensongères, hein, et ils pensent qu'ils sont sur la vérité alors qu'ils sont dans le faux. Ça c'est la majorité des hommes. Après, il enseigne les paroles d'un autre savant qui explique le Coran. Il dit que ce verset-là, est une preuve, ou bien ce verset-là prouve qu'on n'a pas le droit de se baser sur la quantité des gens pour savoir qu'est-ce qu'elle est la vérité. C'est pas la quantité qui va prouver que les gens sont sur la vérité. Et le fait que des gens soient peu nombreux, ça ne prouve pas que ce qu'ils suivent c'est pas bon, c'est pas la vérité ou c'est pas la bonne voie. La réalité, c'est le contraire, que les gens de la vérité sont souvent la minorité parmi les hommes en nombre, mais ils sont les plus élevés auprès d'Allah et les plus importants auprès d'Allah en valeur et en récompense. Et après il dit que c'est obligatoire plutôt de se baser sur la vérité, ou bien c'est important ou c'est obligatoire de prendre les bons moyens pour arriver à connaître la vérité et d'utiliser ça comme une preuve, non pas d'utiliser la quantité et le nombre comme une preuve pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, d'accord. Et après il dit « Qultu », parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent « Oui, mais la plupart des musulmans ils font ça, ou la plupart des musulmans ils font pas ça, ou la majorité des musulmans ils font pas ça, la majorité ils font ça », et ils pensent que ça c'est une référence. Et c'est comme Tariq Ramadan des fois, et pas juste lui, plein d'autres, parmi les gens qui parlent de l'islam, ils disent toujours « Ah, mais ça c'est une minorité des musulmans qui pensent comme ça, c'est pas la grande majorité, la grande majorité, ils disent autrement ». Et la réalité, c'est que c'est pas la majorité qui détermine qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Hein? La majorité des musulmans sur la terre, ils font pas la salat. Hein? Donc, est-ce qu'on va dire que la salat n'est pas obligatoire parce que la majorité des musulmans font pas la salat? Hein? La majorité des femmes musulmanes, elles marchent dans la rue sans porter de hijab. Est-ce qu'on va dire que le hijab c'est pas obligatoire? Donc c'est pas ça la référence pour nous, la référence c'est qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Et ce que Allah nous ordonne de faire, c'est ça ce qu'on doit faire, même si la majorité des musulmans ne le font pas, d'accord, ça c'est important. Et de ramener la religion à la démocratie, d'appliquer la démocratie dans l'islam, ça impliquerait, ou bien ça voudrait dire que les musulmans doivent se baser sur qu'est-ce que la majorité veut pour décider qu'est-ce qu'on doit faire dans la société. Et ça c'est grave, parce que ça va amener les gens à tomber dans l'égarement. Parce que la majorité des gens, ils vont vouloir voter pour qu'est-ce qui va satisfaire leur passion et leur désir, même si c'est contraire à la religion. Et si on donne la religion, si on laisse la religion ou les lois entre les mains de la majorité, ben ça c'est fini par la suite. C'est fini pour les gens qui veulent suivre la vérité. Parce qu'ils sont minoritaires. Hein? Ben c'est ça ce qui se passe ici, exactement. Et eux, ils se basent sur le fait, les gens qui ont dessiné le système démocratique, ils se sont basés sur ça justement. Ils ont observé la société, ils ont dit, la majorité des gens, ils sont pas d'accord avec la religion ou les règles de la religion, donc on va leur donner le pouvoir pour qu'on puisse faire qu'est-ce qu'on veut. Hein? Pour qu'on puisse suivre nos passions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à établir ce système. Et là, après, ils ont dit, mais regardez, tout le monde est content. C'est la majorité qui l'a voulu. C'est la majorité qui l'a décidé. Donc, on l'accepte. Hein? Et donc, on peut pas remettre en question, mais c'est la volonté du peuple. Hein? C'est la volonté du peuple. Le peuple a choisi. Mais le peuple est dans l'égarement. Donc, malheureusement, ils ont choisi l'égarement. Le chef a dit, قلت أضف إلى ذلك أن رأي كل إنسان يتوقف على على علمه فضلا. فإذا اختلف الناس في العلم يختلف في الآراء، وأن رأي كل إنسان يتوقف على تجاربه، فإذا اختلف الناس في التجارب يختلف في الآراء، ورأي كل إنسان منا يتوقف على أخلاقه، فإذا اختلف الناس في الأخلاق يختلف في الآراء، وهكذا. فمن الناس من نظرته سطحية، ومن الناس من نظرته عميقة، ومن الناس من نظرته بين هذا وذاك، فهل نستطيع أن نوحد الناس في العلوم ليكون رأيهم واحدا؟ وهل نستطيع أن نوحد الناس في الأخلاق ليصل إلى رأي واحد؟ وهل نستطيع أن نوحد الناس في العلم لنصل إلى رأي واحد؟ فهل يمكن أن نوحد البشرية وهم يختلفون في هذا كله؟ إن ذلك مستحيل، إن ذلك لا يمكن إلا بالاعتماد على الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الحياة، وإن حصل تفاوت بينهم فيسير فإنهم يرجعون عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الاعتماد على الأغلبية الهامجية فلن نستطيع أن نصل إلى توحيد البشرية مطلقا. Le chef lui donne un exemple, il dit que on peut rajouter à l'explication des savants ici que chaque opinion, les opinions des gens se basent souvent sur leurs connaissances. Et si les gens sont divergent dans leurs connaissances, ils divergent donc dans leurs opinions. Et on peut dire aussi que l'opinion des gens est différente selon les expériences qu'il a vécues. Et les expériences des gens sont divergentes. Et donc, c'est pour ça qu'ils divergent dans leurs opinions. Après, il dit, et aussi on peut dire que le caractère ou le comportement des gens va faire en sorte qu'ils auront une opinion différente. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont divergence d'opinion, à cause des divergences dans le comportement et dans le caractère qu'ils ont. Et il y a des gens qui ont une vision ou une observation qui est superficielle, et d'autres qui analysent les choses plus profondément. Et donc, il y en a qui sont entre ces deux-là. Et donc, est-ce qu'on est capable de réunir tous les êtres humains sur pour qu'ils aient une seule connaissance? Ou bien, est-ce qu'on est capable de réunir tous les êtres humains pour qu'ils aient un seul comportement ou un seul caractère? Ou est-ce qu'on est capable de réunir tous les gens pour qu'ils aient une seule opinion et de réunir toute l'humanité alors qu'ils sont divergents dans toutes ces choses-là? Le chef a dit ça, c'est impossible. Et c'est pas possible, excepté si on ramène les gens au Coran et à la Sunna pour juger dans toutes les questions de la vie. Et s'il y a des petites divergences, des petits désaccords qui arrivent par la suite, on est capable de les régler en retournant au Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il le dit dans le verset 59 dans Surah An-Nisa. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Mais de se rapporter et de supporter, de se baser sur la majorité qui est perdue, qui est un peu divergente là comme ça, sur cette majorité là qui voit pas clair, pour se baser sur ça, on sera jamais capable de réunir l'humanité du tout. Donc ça c'est le point. Numéro 15. Là, le point numéro 16, le chef dit « إِنَّ الْإِنْتِخَابَاتِ تُؤَدِّي إِلَى فَقْدِ شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ » Le fait de suivre le système électoral ou démocratique, ça va faire en sorte que on va perdre les deux conditions pour que nos actions soient acceptables ou acceptées. C'est-à-dire que il y a deux conditions qui doivent être respectées pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sincérité, la pureté et dans nos intentions, et il faut aussi que notre action soit exempte de toute forme de shirk, et aussi il faut que notre action soit faite en accord avec la sunna, comme on a expliqué ça plusieurs fois. Donc ça c'est les deux conditions pour que nos actions soient acceptées. Puis le cheikh il mentionne les conditions pour que nos actions soient acceptées en détail, et il cite les exemples de ça, comme par exemple les paroles de l'imam al-Qadi Iyad qui dit « Liabluwakum ayyukum ahsanu amala » et il explique que pour que ton action soit hasana, hasan, il faut qu'il soit khalisan et sawaban. Donc ils doivent être purs pour Allah, sans aucune forme de chef dedans, puis il faut qu'elle soit en accord avec la sunna, et il donne des exemples de ça. Donc le cheikh il explique par la suite les contradictions du système démocratique par rapport à ces deux conditions là. Le cheikh il dit إن من يشارك في الانتخابات يرى أنها طريق لتحقيق المصالح الشرعية وهذه المصالح الشرعية أعمال صالحة ينبغي أن تحتف بشرطين لقبولها. الأول الإخلاص لله تعالى في ذلك، أما الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. فالناظر في أحوال المشاركين في مثل هذه البرلمانات يعوزهم توفر الشرطين في قبول العمل الذي من أجله شاركوا في البرلمانات الانتخابية، وبيان ذلك بالنسبة للشرط الأول فيكاد أن يجزم بأنه مفقود في العمل، وذلك لأن من يشارك في الانتخابات سيعقد الولاء والبراء في ذات الحزب دون غيره، فيحب له ويبغض من أجله ويوالي ويعادي فيه، وكل هذا مما يخدش النية وإن لم يبطلها. Le chef, il dit donc qu'il faut respecter, comme on a dit, les deux conditions. Et les gens qui rentrent dans les systèmes électoraux, ils voient qu'ils veulent arriver à satisfaire des intérêts de la charia. Et les intérêts de la charia, les bienfaits de la charia, bien entendu, sont des choses qui sont des bonnes actions. C'est supposé d'être des bonnes actions. Et elles doivent avoir, pour être acceptées, deux conditions, comme on a dit, être faites purement pour Allah, et deuxièmement, être en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui observe l'état des gens qui sont dans les parlements, on peut presque être certain que ces deux conditions-là sont absentes chez ces gens-là dans les parlements électoraux. Et voilà, voici des exemples pourquoi. Les premières conditions, elle est pas là du fait que la personne qui rentre dans les élections, elle doit établir son allégeance et son association aux gens selon le parti. Donc il aime pour le parti et déteste pour le parti, comme on l'a expliqué la semaine passée. Et ça veut dire qu'il contredit al-wala wal-bara dans cet aspect-là. Et donc ça, c'est sûr que ça vient jouer un rôle dans l'intention de la personne, soit que ça vient déranger l'intention, mais la détruire au complet. Ça détruit la pureté de l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la deuxième condition, elle n'est pas là également. وَهُوَ الْشَيْخِ جَمَّ بِالنُسْبَةِ لِلشَّرْطِ الثَّانِ وَهُوَ مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْعَمَلِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهَا مَعْنَا فِي الْمَفْسَدَةِ التَّاسِعَةِ بَيَانُ ذَلِكَ فَلْتُرَاجَى. فظهر من ذلك خطورة المشاركة في الانتخابات وصدق الله عبد الله بن مسعود وصدق والله عبد الله بن مسعود عندما قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. La deuxième condition, c'est de faire suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est absent également. Cette condition-là, elle est absente chez ceux qui rentrent dans le système électoral et la démocratie, parce que, comme on l'a dit au neuvième point, ils ne suivent pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affronté les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mouchriquins. Au contraire, au lieu de les opposer et les affronter, ils cherchent à s'allier avec eux et à faire des compromis avec eux et transiger. Donc ça, c'est une contradiction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il dit donc, on voit clairement que c'est dangereux de faire partie ou bien de participer au système électoral, et que il dit que Abdullah ibn Mas'ud a certainement dit vrai, et il jure par Allah de ça, en disant que lorsque Abdullah ibn Mas'ud a dit combien de personnes veulent arriver à quelque chose de bien, mais ils n'y arrivent jamais. Il a l'intention d'arriver à quelque chose de bien, mais il n'arrive jamais, parce que c'est pas suffisant juste de vouloir et d'avoir l'intention pour faire le bien, il faut prendre les bons moyens pour y arriver. Le cheikh nous dit ensuite إتاحة الفرصة لكافة الأحزاب للإدلاء ببرامجها الانتخابية. إن نظام الانتخابات يتيح الحرية لجميع الأحزاب والاتجاهات المختلفة أن يعبروا عن برامجهم الانتخابية ونظرتهم المستقبلية للحكم وإدارة البلاد بالطريقة التي يرونها مناسبة وتشد أنظار الناس، كما لا تخلو أن تكون بعض هذه البرامج الانتخابية ترفع الشعارات العلمنة والكفر بدين الله تعالى. للشيخ الذكر Le système électoral, dans le point 17, ça donne la chance à tout le monde, soi-disant, à tous les partis, à toutes les tendances, à toutes les les idéologies, de présenter leur parti et comment ils veulent gérer les affaires de l'État, comment ils vont essayer de gérer les affaires de l'État et c'est quoi leur politique et leur plan hein, pour l'avenir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas donner la liberté et la chance à tous les gens de couple, les gens qui appellent à la laïcité, les gens qui appellent au communisme ou à d'autres idéologies de couple, de parler librement et d'appeler librement le peuple, la population à ces idéologies-là qui sont contraires à l'islam. Et donc ça veut dire que tu donnes le droit aux gens d'appeler à la mécréance et à l'égarement et à tout ce qui est contraire à la vérité. Et donc ça c'est pas quelque chose de correct dans l'islam. Le point numéro 18, إِنَّ النِّظَامَ الْإِنْتِخَابِ يُسَوِّي صَوْتَ الْمَرْأَةِ بِصَوْتِ الرَّجُلِ وَصَوْتُ الْكَافِرِ بِالْمُؤْمِنِ وَصَوْتُ الْجَاهِلِ بِالْعَالِمِ. Le point numéro 18, c'est que le système démocratique, il met à égalité le vote de l'homme et le vote de la femme, le vote du mécréant et le vote du croyant, le vote du savant et le vote de l'ignorant. Tous ces gens-là, quand ils votent, on vote à la même valeur. Et donc, ça prouve quand même l'absurdité de ce système. Parce que le cheikh dit « إِنَّ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ تُصَادِمُ نُصُوزِ الْوَحِي الَّتِي تُبَيِّنُ وَتُوَضِّحُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْفَاسِقِ وَالْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ قَالَ تَعَالَى أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Donc, le cheikh dit que ce méfait-là, c'est un méfait qui est en opposition avec les textes de la révélation du Coran et de la Sunna, parce que les textes du Coran et de la Sunna clarifient d'une façon très très très apparente et claire qu'il y a une divergence, il y a une différence entre l'ignorant et le savant, entre le croyant et le non-croyant, et entre l'homme et la femme. Tandis que le système démocratique ne fait pas de différence entre ces choses-là. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18, dans Sourate Sajda, est-ce que celui qui est croyant est comparable à celui qui est pervers? Ils ne sont pas égaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne sont pas égaux. La yastawun. Ils ne sont pas égaux les deux. Après, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir à ce sujet-là. Il dit, قال Ibn Kathir, يخبر تعالى عن عدله أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا أي خارجا عن طاعة ربه ومكذبا لرسله. إنه كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أي عند الله يوم القيامة. دونك الشيخ الزاسد وقال إنما قل وقال تعالى حتى سأسير نطف de Miftah Dar Sa'ada. Il dit, là c'est les paroles d'Ibn al-Qayyim après, mais avant c'est, wa qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, wa qala ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et par sa justice, il dit, que ils ne sont pas, Allah n'a pas jugé de façon égale, c'est-à-dire ils ne sont pas égaux pour Allah dans son jugement au jugement dernier, le croyant et qui croit en ses versets, qui suit ses messagers, et le pervers et le désobéisseur, le pécheur, ou celui qui est sorti de l'obéissance de son Seigneur en traitant de mensonge ses messagers. Ils ne seront pas traités de la même façon par Allah. Ils ne sont pas jugés de la même façon. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que ceux qui font des péchés, on va les mettre à égalité à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, égal à égal dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Et il dit, ça c'est le verset 21, dans Sourate Al-Jathiyah, Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite dans le verset 28, dans surat Sa'd, est-ce qu'on va faire ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, à égalité avec ceux qui ont fait le désordre sur la terre? Est-ce qu'on va mettre à égalité les pieux et les pervers? Hein? Donc ça c'est le verset 28 dans surat Sa'd. Et il dit dans le verset 20, dans surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce qu'ils sont égaux, les gens du paradis, les gens de l'enfer et les gens du paradis? Les gens du paradis, ce sont eux, les faizoun, ceux qui auront le succès, qui auront la victoire au jugement dernier. Donc, ça, c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, au jugement dernier, il va pas juger le monde à égalité. Tout le monde sera pas égal. Et donc, après, il dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui savent pas? Hein, ça, c'est dans le verset 9, dans Surat Az-Zumar. Et il dit dans Surat Fatir, le verset 28, إنما يخشى الله من عباده العلماء. C'est uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah qui ont la crainte d'Allah. Seulement les savants. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Le cheikh il explique ce verset-là, il dit, وقال ابن القيم الجوزية وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. Le cheikh il dit que Allah a limité ou a restreint, il a dit que la crainte c'est uniquement ceux qui ont la connaissance d'Allah qui peuvent craindre Allah. C'est comme si c'est juste eux qui craignent Allah, ceux qui ont la connaissance. Après il mentionne le verset 43 dans surat Al-Ankabut, il dit وَتِلْكَ نَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. C'est-à-dire on donne ces paraboles là pour les gens et c'est seulement ceux qui ont la science qui les comprennent, qui comprennent ces paraboles, hein, ou ces exemples d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne l'explication de ce verset-là par le Cheikh Sa'di, il dit, illa al-alimun, ça veut dire quoi? Illa ahlul ilm, al-haqiqi, alladhina wasala al-ilm ila qulubihim, wa hadha madhhun min amthal allati yadribuha, wa hattun ala tadabburiha wa ta'akkuliha wa madhhman lim, ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين والآيات في فضل العلماء وغيرهم كثيرة جدا. Le Cheikh il dit donc que l'imam al-Sa'di il explique ce verset en disant que sauf les gens qui ont la science comprennent les exemples d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que ceux qui ont réellement la science, c'est ceux dont la science est entrée dans leur cœur, et c'est une glorification pour ces exemples et paraboles que Allah donne aux êtres humains, pour inciter les gens à méditer sur ces paraboles et ces exemples, et c'est une glorification pour la personne qui va réfléchir sur ces exemples et méditer dessus pour essayer de les comprendre. Et aussi, c'est pour inciter à faire comprendre l'importance des gens de la science. Et on a compris par là que c'est uniquement ceux qui ont la science qui les comprennent ces paraboles-là, et que celui qui ne les comprend pas, il ne fait pas partie des savants. Il ne fait pas partie de ceux qui ont la science s'il ne les comprend pas. Et donc, les signes et les versets d'Allah qui parlent du mérite des savants sont très très nombreux en dehors de celui-là. Et donc, le cheikh il mentionne une série de hadiths, il dit « وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. » Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith qui est rapporté par البخاري ومسلم dans leur صحيح selon معاوية ابن أبي سفيان, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et il dit, wa qala an-nawawi fihi fadilatu al-ilm wat-tafaqquh fi ad-din wal-hasu alayhi wa sababu annahu qa'idun ila taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam an-nawawi il dit que dans ce hadith il y a le mérite de la science et le mérite de chercher la compréhension de la religion, et une incitation, ou bien disons un encouragement à le faire, à chercher la compréhension. Et la raison de pourquoi il faut chercher la compréhension et la science de la religion, c'est parce que cette connaissance et cette compréhension va t'amener à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن القيم الجوزية وهذا يدل على أن من لم يفقهه في لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه من فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il explique ce hadith en montrant un exemple par l'opposé de la signification de ce hadith. Dans le sens que si on dit que celui pour qui Allah veut du bien, il donne la compréhension de la religion, ça implique en même temps que celui pour qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Ça veut dire que si tu n'as pas la compréhension de ta religion, ça veut dire que Allah ne t'a pas voulu du bien. D'accord ? Donc cherche la compréhension de la religion, hein, et donc inshallah ça va faire en sorte que tu auras le bien qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh ibn Mas'ud le hadith wa akhraja Abu Daoud wa ghayri min hadith Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa fihi إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الشيخ الذي قال البروفيسور صلى الله عليه وسلم للصحابي أبو الدرداء أدي que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le mérite que le savant a sur l'adorateur c'est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres dans le ciel. Donc les savants, les adorateurs, ils ont un mérite. Ceux qui font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'adoration, hein, ils ont du mérite. Mais le savant, il a plus de mérite qu'eux. Même s'il fait moins d'adoration. Et son mérite, par rapport au mérite des adorateurs, c'est comparable au mérite que la lune a par rapport aux autres astres dans le ciel. Hein. Donc ça, c'est pour faire comprendre le mérite du savant. فهذه النصوص وغيرها في معناها تدل على التفاوت بين العالم والجاهل. أما بالنسبة للمرأة فقد جعل الله شهادتها في الذي هو في صوتها في الأمور الدنيوية بنصف شهادة الرجل، فقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال ابن كثير وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال وما يقصد به المال وإنما أقيمت امرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة. أوكي دونك لا شيء في الذكر ففي دي تكست كي مونتر le degré de divergence ou le degré de les degrés qui existent entre les savants et les ignorants, ils sont pas au même niveau. Hein? Et même dans la réalité, tu peux pas mettre un ignorant au même niveau qu'un savant. C'est une grave injustice de faire ça. Parce que tu vas donner un vote à quelqu'un qui est savant, et tu vas donner le vote à quelqu'un qui est ignorant, puis tu le mets à égalité. Ça veut dire que pour toi, l'ignorant, il a la même valeur que le savant. Et son vote a le même poids dans la balance. Et ça, c'est absurde. Hein? Parce que l'ignorant, il connaît rien de la politique, il connaît rien de l'économie, il connaît rien des situations qui ont rapport avec l'État et avec la dirigeance de l'État. Et tu lui dis, donne-moi ton vote. Et l'autre qui est un professeur en soi, en économie, en politique ou en d'autres domaines qui ont rapport avec ces domaines-là, lui, il va donner son point de vue, puis son point de vue, il n'a pas plus de valeur par rapport à celui qui sait rien du tout. Hein? Ouais, et des jeunes, bon, par rapport à l'âge aussi, tu vas dire, quelqu'un qui sort de l'école secondaire, ou qui a 18 ans, il n'a pas d'expérience, pas de connaissance de la politique, pas de connaissance de quoi que ce soit, tu lui dis, vote, donne ton vote. D'accord? Bon, c'est pour te dire que c'est sûr que ces jeunes-là, ils vont pas voter d'une façon claire et avec réflexion, et même s'ils le font, ben, c'est pour dire que le vote d'un jeune de 18 ans qui est ignorant, il aurait le même poids que le vote d'un vote de 18 ans, de quelqu'un de 18 ans qui serait par exemple plus connaissant dans ces domaines-là, ou bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans d'autres choses de ce genre. Donc, si on met les gens qui ont de la connaissance au même niveau que les gens qui n'ont pas de connaissance, eh bien c'est une injustice. C'est une injustice qu'on fait. Après, il parle de la femme et de l'homme. Et il dit que on n'a pas le droit de mettre le vote de l'homme à égalité avec le vote de la femme. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les affaires de la dunya, il a fait une distinction entre le vote de, entre le témoignage de la femme et le témoignage de l'homme. Par exemple, dans les affaires de la dunya, le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Et il mentionne le verset 282 dans Surat al-Baqarah qui dit « Faites témoigner deux hommes parmi vos témoins. » Faites témoigner deux hommes. Mais si vous ne trouvez pas deux hommes, alors faites témoigner un homme et deux femmes. Donc ça veut dire que le témoignage des deux femmes vont remplacer le témoignage de l'homme. Ok? Et c'est ceux parmi les témoins que vous avez agréés. Donc c'est pour dire, l'imam Ibn Kathir, il donne un tafsir de ce verset-là et il dit que ça c'est uniquement dans les questions économiques et les affaires d'argent, hein, dans les choses de la dunya, qu'on donne le témoignage de deux femmes, que ça veut dire le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes, ou le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Pourquoi? À cause de la faiblesse de leur raison. La raison de la femme n'est pas au même degré que la raison de l'homme. Même s'il y a des femmes qui sont plus intelligentes que certains hommes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont plus intelligentes, mais en général, la femme elle a moins de raison dans ces affaires-là que l'homme. Et donc c'est pour ça qu'on ne lui demande pas de s'occuper de ces affaires-là, puis de les prendre comme témoins principaux dans ces choses-là. Il y en a même qui ont expliqué que le fait qu'on demande deux femmes de témoigner plutôt qu'une homme, c'est que la femme est plus faible aussi. Et donc, si elle témoigne dans ces affaires-là, puis qu'elle est toute seule, c'est moins pesant dans la balance, parce que si elles sont deux, c'est plus fort, et donc elles peuvent moins se faire intimider dans les questions d'argent et de affaires qui ont rapport avec ces choses-là. Après, il mentionne les paroles de Cheikh Sa'di, il dit « Wa qala Sa'di, inna shahadat amra'atayn qa'imatun maqama al-rajul al-wahid fi al-hukuk al-dunyawiyya. Amma fi l'umour al-diniyya, kal-riwaya wal-fatwa, fa inna al-mar'a fihi taqumu maqama al-rajul. » Ça, c'est les paroles de l'imam Abdurrahman Sa'di, il dit les points dans lesquels le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un homme, c'est dans les choses qui ont rapport au droit dans la dunya, les choses qui ont rapport avec au droit des individus, des choses économiques ou matérielles, des trucs comme ça dans la vie d'ici-bas. Mais si c'est des questions religieuses, comme la transmission de hadith ou bien la fatwa, une femme, elle a la même valeur qu'un homme là-dedans. Donc si une femme transmet un hadith, ça a la même valeur que si un homme a transmis le hadith. Ou si une femme donne une fatwa avec science, avec connaissance, eh bien c'est la même valeur que la fatwa d'un homme. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différence entre la fatwa d'un homme et d'une femme. Mais dans les affaires de la dunya, le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Donc c'est pour faire comprendre que tu ne peux pas mettre un vote pour les choses de la dunya, ou même donner la même valeur au vote de l'homme que à celui de la femme. Le cheikh il dit « قلت فأين أنتم يا دعاة الانتخابات من هذه النصوص التي هي أظهر من وضوح من في الوضوح من الشمس في ربيع النهار في رابعة النهار ولكن ما عسانا أن نقول إلا ما قاله الشاعر يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إن الانتخابات يعتبر شهادة لمن ينتخب، بمعنى أنه أن من ينتخب مرشحا له دائرته الانتخابية فقد شهد بأهليته لتحمل المسؤولية المناطق به المناطق به. والعلماء يشترطون في الشاهد أن يكون عدلا، أي مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسوق، سالما من أسباب الفسوق وخوارم المروءة، وهذا الشرط يعزو وجوده وتحققه في كافة الشعب. فظهر بذلك بطلان دعوة دعاة الانتخابات الشعب إلى أن ينتخب لهم مرشحا في دائرتهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة مع الشهود. لشيخ الزي ك vous les gens qui appelez à la démocratie et aux élections, ces textes qu'on a mentionnés sont plus clairs que le soleil en plein jour dans le printemps. On peut dire les paroles du poète. En fait, il mentionne les paroles d'un vers qui dit que tu vas voir quelque chose comme si c'est bon alors que c'est pas bon. Alors, enfin, c'est comme si pour dire ça. Qu'est-ce qui est mauvais, tu le vois devenir bon maintenant dans tes yeux. Et après, il dit que les élections, il le considère comme une forme de témoignage. Parce que tu donnes un témoignage pour la personne pour qui tu votes. Et donc, le cheikh, il dit que, pour les ulama, ils ont mis comme condition, ils ont mis des conditions pour le témoin dans l'islam. Dans l'islam, quand on va à la cour, et qu'on a besoin de témoins, c'est pas n'importe qui va être accepté comme un témoin valable. Il faut que ce témoin-là ait certaines conditions, et parmi les conditions pour que quelqu'un soit un témoin, il faut premièrement qu'il soit un musulman, il faut qu'il soit qu'il ait sa raison, il faut qu'il soit adulte, il faut qu'il soit exempt de toute forme de perversité, de péché, et de choses qui sont contraires aux mœurs, hein, et aux bonnes mœurs. Donc, ces conditions-là sont pas présentes dans la plupart des habitants dans la population, dans le peuple, et donc, on voit clairement la fausseté de cette prétention-là de ceux qui appellent à la démocratie, hein, d'appeler le peuple à choisir un élu, hein, pour leur région ou pour leur quartier ou des trucs de ce genre. Parce qu'ils n'ont pas les caractéristiques nécessaires pour être des témoins dans l'islam. Et l'imam Ibn Kathir, quand il dit à propos du verset du témoignage, il dit « Parmi ceux que vous agréez comme témoins », le cheikh il dit au sujet de cette partie-là dans le verset, il dit que c'est la preuve qu'il faut que le témoin ait certaines conditions d'honnêteté en lui-même, sinon il ne va pas être accepté comme témoin, d'accord. Et on va terminer avec le dernier point, « ضِيَاعُ الْأَوْقَاتِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَعُودُ بِالْفَائِدَةِ » Et qu'un des méfaits de la démocratie, ça c'est le point numéro 19, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps dans des choses qui n'ont aucun intérêt, aucun bienfait. Le cheikh il dit, أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال ابن حجر قال ابن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن أو أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. قلت تأمل قوله ومن شكره ومن شكره امتثال أمره أوامره واجتناب نواهيه فمن فرط في ذلك فهو المغبون فهل امتثل دعاة الانتخابات الأوامر أوامره تعالى وأشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع من طلب العلم النافع والحرص عليه وتعليم الناس التوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك والبدعة فإن هذا هو الذي ينفع الأمة ويغير الحال فقد قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا شيخ الإكسبيك يقول الإمام البخاري rapporté un حديث selon Ibn Abbas رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y a deux grâces que Allah a donné aux hommes deux grâces que Allah a donné aux hommes, la plupart des gens, ou beaucoup de gens, sont perdants dans ces deux grâces-là. C'est la santé et le temps libre. Ça, c'est deux grâces que Allah a donné aux hommes, ils sont perdants là-dedans. C'est la santé et le temps libre. Et l'imam Ibn Hajar, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Battal qui explique ce hadith. Il dit qu'une personne, elle n'a pas de temps libre tant qu'elle n'est pas en bonne santé, hein. Et quand elle est en bonne santé, là tu dis, puis qu'elle a du temps libre, là tu dis qu'elle est une personne en santé qui a du temps libre, tu dis, cette personne-là, qu'elle a cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, quand tu l'as cette grâce, qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça l'important. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps libre et cette santé que Allah t'a donné? Est-ce que tu vas en profiter pour satisfaire tes désirs, puis faire des péchés, ou bien tu vas l'utiliser pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si tu veux remercier Allah réellement pour cette grâce, alors obéis à ses ordres et écarte-toi de ses interdictions. Toutefois, si tu t'écartes, si tu as négligé dans cet aspect-là, alors là tu es perdant. Tu es perdant. Et là il mentionne, il dit, observez bien comme il faut qu'est-ce que le cheikh il dit, que parmi les aspects d'être reconnaissant envers Allah pour cette grâce, il faut faire ce qu'Allah ordonne et s'écarter de ce qui nous interdit, et que celui qui n'a pas fait ça, eh bien, il est perdant. Il dit, est-ce que les gens qui appellent à la démocratie, ils ont respecté ces ordres, et est-ce qu'ils ont respecté les ordres d'Allah? Est-ce qu'ils se sont occupés eux-mêmes avec des choses qui sont bénéfiques et qui vont leur ramener du bien à eux ainsi qu'à la société? Et est-ce qu'ils ont incité la société à rechercher la science qui est bénéfique pour eux, la science de l'islam, et les inciter à vraiment avoir un grand intérêt pour cette science et d'apprendre aux gens le tawhid de la sunna et de les avertir contre le shirk et la bid'a? Ça, c'est des choses qui vont amener du bien à la Ummah et qui vont changer leur état et leur situation. Il dit le verset 96, « Et si les gens de la cité avaient cru et avaient craint Allah subhanahu wa ta'ala, on leur aurait ouvert les portes des bénédictions du ciel et de la terre. » Et il mentionne le verset 11 dans surat al-Ra'd, il dit « Et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'ils ont en eux-mêmes. » Donc, ça c'est des exemples. Et il mentionne le verset 10 et 12, de 10 à 12 dans surat Nuh. Il dit, et Nuh a dit, demandez pardon à votre Seigneur, il est pardonneur, il est certes très pardonneur. Il va vous faire descendre de la pluie du ciel, et il va vous donner des biens et des enfants, et il va vous donner des jardins et des ruisseaux. Donc ça c'est des choses qui nous montrent que si tu es reconnaissant envers Allah, il va te donner ça. Et le fait de ne pas apprendre aux gens le tawhid et les bases de l'islam et de leur enseigner l'ilm, c'est ça ce qui fait que le peuple est dans l'état qu'il est. actuellement et qu'ils continuent dans cet état-là, malheureusement. Donc ceux qui sont élus, lorsqu'ils sont élus, ils n'enseignent pas aux gens le bien. Et ils n'enseignent pas aux gens le torcher de la religion. فهل اجتنب دعاة الانتخابات تضييع الأوقات وإشغال وإشغالها في الأمور لا تعود عليهم بالفائدة من إقامة الجلسات في المجالس النيابية والمهاترات الكلامية؟ يبدي les gens qui sont dans la démocratie et qui appellent à la démocratie, pourquoi ils gaspillent le temps des gens et ils occupent le temps des gens avec des choses qui n'ont aucun intérêt? Hein, en faisant des assemblées dans les assemblées des députés et qui commencent à faire des débats inutiles, des heures et des heures en train de parler pour rien. Cheikh dit al-jawab ya'rifuhu al-muttali'u 'ala ahwal al-qawm. In hadha khilaf ma kana 'alayhi al-salaf, fa in an-nazir fi sirat al-salaf al-salih yara al-'ajab min hirsihim 'ala awqatihim hatta in ahadahum لا يجد الوقت ليأكل ما يقوم به صلبه فضلا عن أن يضيعها في الترهات الفارغة كل خير في اتباع من وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. Donc le cheikh dit la réponse, on peut la savoir clairement. Est-ce qu'ils ont respecté ça, les gens qui appellent à la démocratie? C'est clair qu'ils n'ont pas respecté ça. Ils perdent leur temps tout le temps. Et quand on compare leur état avec l'état des salafs, les premiers musulmans parmi les sahabas et les tabi'ines, on voit des choses étonnantes de la part des sahabas, que parmi eux, il y en a qui prenaient même pas le temps de manger, parce que pour eux, c'était considéré comme une perte de temps. Donc ils voulaient même pas manger trop, ils prenaient pas trop leur temps pour manger, parce qu'ils considéraient que ça les occupait de choses qui étaient plus importantes. Donc, ils mangeaient juste un petit peu, c'est tout. Et aujourd'hui, il y en a qui les occupent leur temps par des choses vraiment futiles et complètement vides de bienfaits. Et tout le bien est dans le fait de suivre les salafs, et tout le mal vient du fait qu'on innove, on suit les innovations des gens qui sont venus après les salafs. Et il y a un autre point, un autre point rapide, on peut le faire. Cheikh dit, تضليل عوام الناس إظهار الباطل لهم بمظهر الحق الذي يجب أن يتبع. C'est-à-dire que, également, un des méfaits de la démocratie, le point numéro 20, c'est qu'on égare les musulmans ordinaires qui n'ont pas étudié l'islam, on les égare en leur faisant montrer la vérité comme si c'était le faux, et le faux comme si c'était la vérité. Et il dit وهذا ما تولى كبره دعاة الانتخابات حيث أظهر للناس أن الانتخابات البدعية بمظهر الحق الذي يجب قبوله تضليلا لعامة الناس ومن أبرز الأشرطة في ذلك الشريط بعنوان أدي الأمانة ولا تك صفرا وشريط الانتخابات وإرادة الأمة لعبد المجيد الزنداني وسوف نعقد لهذين الشريطين بابا مستقلا لعرض ما فيهما من تمويه وتضليل وإظهار الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل ثم الرد عليهما بمشيئة الله. الشيخ dit que parmi les exemples de ça, c'est que beaucoup des gens qui appellent à la démocratie, ils font paraître aux gens que les élections c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de bien, et il égare les gens donc avec ça, et il leur fait paraître ça comme si c'était la vérité. Et parmi les choses les plus apparentes à ce sujet, il y a les deux cassettes qui ont été faites à ce sujet-là par Abdelmadid al-Zindani. La première cassette c'est « Addi l'amana wa la takun sifran », c'est-à-dire « Addi l'amana », c'est-à-dire « Rends le dépôt ou la confiance à celui qui la mérite et ne soit pas sifran », c'est-à-dire « 1-0 ». Et شريط الانتخابات إرادة الشعب زي لا لا لا لا ديمقراطية هي la volonté de la umma ou la volonté de la du peuple إرادة الأمة. Donc ils ont remplacé le mot شعب par le mot umma pour essayer de le rendre un petit peu plus islamique, la volonté de la umma au lieu de la volonté du peuple. Et donc il dit qu'il y a un chapitre 3, ça va être pour réfuter tous les arguments individuellement qui ont été mentionnés dans ces cassettes-là, et pour essayer de faire montrer aux gens que la démocratie c'est bien, mais ils disent on va réfuter ça point par point, puis on va montrer que on va réfuter le mensonge qui a été dit dans ces deux cassettes-là, inshallah. Après, il y a un autre point, c'est le point 21. إخضاع كل شيء يطرحه النواب لتنفيذ لعملية التصويت. للتنفيذ لعملية التصويت. الشيخ دي من ذلك القروض الربوية التي أقرت بالأغلبية فالله المستعان. ولعل هذه المفسدة أشبه ما تكون بالمفسدة الخامسة عشر. الشيخ دي également, il y a le fait que les gens doivent être soumis à tout ce que les représentants dans les parlements ont décidé et que ça doit être exécuté par les voies de vote, par leur vote qu'ils décident dans les parlements. Donc si, comme par exemple les votes, les prêts avec intérêt, et bien ça a été accepté par la majorité, Allah Moustaha il dit. Alors que ça c'est un méfait, comme celui qu'on a mentionné au point numéro 15, on a mentionné ben oui, quand il y en a dans certains endroits, ils ont fait passer des votes dans les parlements pour demander est-ce qu'ils acceptaient ça. Même ici, toutes les lois qui sont décidées là, sont toutes votées par les membres du parlement, tu comprends? Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens votent pour un représentant dans leur comté, le représentant c'est un député, puis après il y a les ministres, certains de ces députés-là vont être choisis par le parti comme étant des ministres, par le chef du parti, puis là eux les ministres, c'est eux qui vont voter pour les lois, puis les députés aussi vont voter pour les projets de loi qui sont présentés. Si le projet de loi est voté par une majorité, ils l'acceptent, ça devient une loi, et si la majorité il refuse la loi, ben là c'est rejeté comme projet. Donc c'est pour dire, ils font n'importe quoi, mais ils se basent pas sur la révélation d'Allah. Ils vont pas demander est-ce qu'Allah a dit que c'est halal ou haram, non. Ils vont se baser sur est-ce que la majorité l'accepte ou non. Et puis s'ils l'acceptent, ça y est, c'est fini. Subhanallah. Donc, ça c'était le point 21. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on va continuer ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, à partir du point 22. La suite. Oui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.